Marionnette. Quand elle ouvrit les yeux, Amélie avait la tête à l'envers. Elle était suspendue par une ceinture de sécurité, les sangles croisés pressant sur sa poitrine, l'empêchant de tomber. Un goût âcre dans la bouche, accompagné de l'odeur écœurante d'urine et de caoutchouc brûlé. Elle cligna des paupières, les yeux brouillés par les larmes. À travers la brutalité du moment, l'entraînement faisait surface. Un coup d'œil rapide pour voir si elle était blessée. Non. Mais dans le siège d'à côté, gisait la dépouille de sa coéquipière, empêtrée dans la ceinture de sécurité, les yeux vitreux, la gueule ouverte sur un filet de sang noir, comme une bête à l'abattoir. « Centrale !» articula douloureusement Amélie en tâtant la boucle de sa ceinture. « J'avais raison. C'est ici qu'est la véritable attaque. Pas dans Montréal-Nord. Je répète, le M9A est ici. » La pression de son sang lui montait à la tête, étourdissante. Aucune réponse du centre opérationnel. Un simple déclic de la boucle et Amélie s'effondra finalement contre le plafond de l'autopatrouille, s'écrasant de tout son poids dans une flaque de sang parsemée de fragments de verre. Elle grogna sous l'effort déchirant, se traîna comme un ver par la portière entrouverte, de peine et de misère. « Centrale, » fit-elle, « j'ai besoin de renfort, maintenant. » Seul un rire lui répondit. Un ricanement modulé, tordu par une série de filtres numériques. « Pauvre marionnette !» murmura la voix sarcastique. « Sais-tu au moins pourquoi t'es là ?» Amélie émergea finalement de l'épave, s'appuya dos à la portière. C'est seulement à cet instant qu'elle réalisa que son casque et son FM 2000 étaient restés dans le coffre arrière de l'autopatrouille. « Et merde !» susurra-t-elle à travers sa lèvre fendue. « Peux-tu voir plus loin que le prochain chèque de paye ?» insista la voix distorsionnée. « Tu protèges les mauvaises personnes, marionnette. Nous sommes la dernière chance pour les pauvres de survivre à la civilisation. » Amélie dégaina son pistolet, releva le cran de sûreté, regarda aux alentours. Le carambolage s'étendait dans tous les sens. La vitrine d'une boutique de mode avait volé en éclats, des poubelles étaient renversées sur le trottoir, une demi-douzaine d'autres voitures fracassées gisaient ça et là. Abasourdie par le choc, Amélie pouvait toutefois déceler des cris lointains, des mugissements de blessés. C'est alors qu'une rafale d'automatique s'abattit en sa direction, ricochant contre la portière et faisant éclater l'asphalte à deux doigts de sa cuisse. Instinctivement, Amélie rabaissa la tête et se recroquevilla. Elle était certaine d'avoir vu cet auto beige, là, fracassé dans le mur de briques aux limites de son champ de vision. « Allez, marionnette !» poursuivit la voix modulée, froide et métallique. « Combien de temps penses-tu pouvoir partager une table avec des cannibales avant qu'ils te fassent la peau ?»« Quoi ? Tu penses que t'as eu ta promotion à cause de ton attitude gagnante ?»« Ah ! On a lu ton dossier, marionnette, les diagnostics, la médication. T'es le bouc émissaire parfait. » Mais Amélie en avait assez d'être narguée. Elle prit une grande respiration, traça une carte mentale des lieux, visionna ses mouvements. Le temps sembla ralentir lorsqu'elle surgit de derrière sa cachette, se leva, son armure étincelante dans la rue sinistrée, courut, aperçut la voiture beige, le tireur appuyé sur le capot, le visage ensanglanté, le crâne rasé, les yeux tristes. Gaspard Delisle, alias Twin, alias Hans. Sans hésiter, Amélie fonça, tira sur sa cible, une fois, deux fois, trois fois, l'anarchiste retournant une salve aveuglante en sa direction, la mitraillette vrombissante sur le capot, jusqu'à ce qu'elle clique à sec. Comme un boulet, Amélie alla s'écraser, haletante, derrière le pare-choc d'une autre voiture. Une pression soudaine sur son torse, une brûlure montante. Elle réalisa, horrifiée, que son armure était percée comme une passoire, se demandant jusqu'où les balles s'étaient enfoncées. C'était impossible, avec ce calibre-là. À moins qu'il n'ait des balles en fonte, en uranium appauvri. Des tueuses de flics. « Calice !» chuchota-t-elle. S'ensuivit la douleur, inouïe, débilitante, aveuglante, léchant la chair d'Amélie peu à peu comme des flammes, la chaleur du sang frais se répandant sous son armure. L'espace d'une seconde, elle songea à l'arcologie, aux suites luxueuses, l'air pur, les salles de yoga. Comme il ferait bon vivre là, avec des gens qui l'aimaient, qui étaient toujours gentils avec elle. Quelque part, un homme geignait de douleur. Elle l'avait touché. « All right », pensa Amélie. « Let's go, la croix. Une dernière run et c'est fini. » Elle se voyait déjà bondir de sa cachette, faire 3 pas devant, puis contourner la voiture beige. Sa cible était à sec. Le temps que Hans recharge sa mitraillette, il serait déjà trop tard. Une balle à la tête, 2 au torse. Elle ne manquerait pas sa cible. Elle ne la manquait jamais. « T'es à moi », vociféra-t-elle de ses lèvres tremblantes. Cependant, avant qu'Amélie ne puisse se relever, une camionnette blanche arriva sur la scène, les pneus crissant. La porte coulissante s'ouvrit sur une brute en veste pare-balles, les cheveux blancs comme neige, des mains tatouées dans lesquelles elle tenait un monstre de carabine automatique Striker sud-africaine à barillet. Des lettres tatouées sur des points. NTFA et ACAB. Amélie se projeta sur le côté, l'effort lui déchirant les nerfs, déguerpissant le plus vite qu'elle pouvait. Loin, le plus loin possible, quelque part, n'importe où. Jusqu'à ce que le tonnerre s'abatte sur la rue, coup après coup, perçant le métal, explosant les vitres, le béton et la brique qui volèrent en éclats, mêlés dans une poussière balistique. Lorsque cette force l'atteignit dans le dos, Amélie trébucha, tête première dans la plate violence du macadam. Puis, plus rien.